Yeah, yeah, yeah. Besoin de dégâts. Mama. Que des dégâts. Yeah. Ok. On est là. Maintenant ça pose à la zone. Énervé, c'est pour toutes les zones. Yeah. Nique les RG. Représente mon équipe, on arrive, on fait trop mal, y'a pas trop mal, ça laisse des marques comme un coup de cric dans l'estomac. Stylo pour me charger, pour les coups, faut que je m'applique. Bienvenue là où tout le monde se torche avec la crise. Ça fait des sous de côté pour augmenter le salaire. Ils veulent pas nous donner notre chance, mais font croquer les chouettes. Un sentiment de malaise, cous, on connaît le manage. Envoie le code de ta CB, sinon on te balaye. Ça rêve de jet ski, plus de caviar digestif. Mais dès qu'on oublie ça, on retrouve la même vie de mesquine. Les balances finissent par terre et par terre. Pas le train de bouc avant de finir au casse-tête. Je vis dans cette mesure, oh, pour qu'on t'allume. Tu me verras dans ta hure, avancer à toute allure. Nous on gère dans tous les domaines. T'as beau être trop mais même si t'es une merde, t'es une terrible dans la domaine. Je demande pas qui c'est qui domine, qui c'est qui crochette les comiques, qui sont les vrais et les domis. Quand on rappe, c'est tous les rappeurs qui sont dead. Si ça pète, je vais te montrer, ça sert à rien d'avoir des peines. Nous on donne dans nos culs comme un tel ou pour un tel. Je rappe dur alors que j'ai toujours pas la peine. T'inquiète, on gère comme le Barça ou l'Inter. Ton rap est plus la même, normal qu'on l'enterre. Depuis le temps, rien n'a changé, on traîne à poids sur le talon. Les frères tombent vu que c'est devenu la mort de balance. On rappe pour nos gars. Tout senti état, c'est pour les vrais, tout senti qu'état. Nous sommes de plus avec le cœur, espérant que ça restera gravé. On avance malgré que les problèmes ne font que s'aggraver. On rap pour nos gars, tout senti état, c'est pour les vrais, tout senti qu'état. On arrive bien décidé, je viens pour vider mes idées. Faut que je tire, ça hésite, les petits la street essayent d'éviter. Les flics de piste et de piste, des claques pour que tu tombes dans le filet. T'es en crise et ouais tu t'as, c'est là que tu vois ta vie défiler. Vite t'es là, si t'es proche, je reste fort même si j'ai mal, wesh cause. On sait que la vie c'est pas un film de cinéma. Chez moi y'a pas de dégain à la West Coast. Pêche même pas, y'en a plus d'un que j'fork. Ici t'aimes pas, ouais t'as qu'à mettre stop. Ça parle bien que mon essai rock. Putain, y'en a marre, faut que j'm'en sorte de n'importe quelle sorte. De plus que ma mère t'as le stress tombe. Si tu comprends pas, laisse tomber. Juste laisse-moi le temps de cracher ce que j'ai dans le test. Vas-y, me tape à la piste, t'as parlé avec les stars. Le jour c'est les poursuites, le soir c'est les costards. Sa vie de grosses chattes, de gratte, de pas que d'alcool. Assume tes sacs, même si t'as trop joué le bad boy. C'est pour mes blocs, blocs. Le truc c'est de savoir qui veut te la mettre, qui veut s'amuser avec son clock, clock. Qui me laisse tranquille, j'vis ma peine. Je vois ma haine, je ramène la caille à maman le jour de ma paye. C'est comme ça chez moi, je me plie aux règles. On baisse les buts, man, serein. Regarde sévère et ça même quand les flics te matent. J'ai plein d'histoires, tu me régales, tu es un mythomane. Tu veux que je te dise quoi? Tu joules en mode de pyromane. Le terrain a changé, on traîne à poids sous le talon. Les frères tombent vu que c'est devenu la mode de balade. C'est pour la mode de balade. C'est pour les bruits, tout senti qu'état. Nous sommes de plus avec le cœur, espérant que ça reste aggravé. On avance, on sait que les problèmes ne font que s'aggraver. Mais on reste un partage, tout senti état. C'est pour les bruits, tout senti qu'état. C'est la connexion, yeah. Et après le 3-5, 530 m'amène. Tout senti état, on se la ramène. C'est pour les bruits, tout senti qu'état. Nous sommes de plus avec le cœur, espérant que ça reste aggravé. On avance, on sait que les problèmes ne font que s'aggraver. On rappe pour nos cages,